commencer. Allez, allez, cette musique te permettra d'aller. Allez, allez, il y a des matins difficiles, je sais. Allez, allez, mais rien ne t'empêche de t'adapter. Allez, allez.